Thank you. vois, c'est la version ultra limitée du groupe. Ouais, juste pour donner une petite couleur sur le. Là maintenant, je passe par la tête de la première chanson. Donc, tu vois, voilà, c'est assez calé. Ben, tu vois, ils ont une boucle qui est à 100 000 km. Sur 16 ans. Donc, en fait, le machin, il a. Tu peux jouer complètement décalé, quoi, parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu perds tout. Ah, il vaut mieux essayer de se mettre dessus. Une fois, j'ai vu ça, mais en fait, c'est toujours suffisamment longtemps.